mama okoseke nayo tano ngala koloba farase okoseke yara mana soki pengana tomboki nakobeta moto moto soki pengana tomboki nakobeta yo mana nanga Mama, ekoza la filime, falase na ngana kipate, monsolo na ngali bosa, se fase ton je suis fâché, ekoza la kakandenge moko. Tango na koloba mama, ekoza la trema be, nazali na ma sans souci. Sala nanga bienga fala sene biso ba debia ezala kanango ki pepa fala sene biso ba komeresa elo ba makana libenga fala kolo ba mama e ekozala mabe fala kolo ba mama e ekozala cinema tango na kopanza fala se ekozala revia tete tango na kosilika la fala se Capitaine Adoc, on commande à des cinéma, on coloba Ardina Lorraine, et qu'on s'allait des cinéma, et qu'on s'allait Charon à Bourreau. Soki pengana tomboki, nakobeta yo na mbanda.